Je te propose de jouer à Sèvres. Nous allons amender les règles en adjoignant une mécanique ou un mécanisme, c'est-à-dire que nous allons piocher trois rituels issus des centres. Nous en retiendrons un. Piocher. Si tu en as pris connaissance, tu les... Non, j'en ai pas pris connaissance, en T'en avais un apprenant. trop. Donc ceux dont tu as pris connaissance, tu les remets dans la pioche issue de notre partie descente. Le fait qu'on utilise un rituel te convient? Je ne vous ai Oui. pas posé la question. De la même façon, je propose que nous partions, puisque nous sommes en carte rouge, d'une situation initiale issue de l'almanach. Nous sommes le 28 de péril, ce qui nous donne un sol de cuir sanglant, des troncs comme des crânes, ou des cylindres de kératine, des canopées soyeuses ou emmêlées, une forêt de scalps. Personnellement, c'est pas, ça m'évoque pas énormément. En revanche, celle qui est juste en face, moi, m'inspire un peu plus. Il grogne, il fouaille, il couine, il retourne le mus noir spongieux. Il trouve des horreurs et des merveilles. Ce cochon truffier ira loin. Aucune des deux t'inspire? Aussi, les deux m'inspirent, donc on peut partir sur le deuxième. Donc on prend le 27 péril avec le cochon truffier. Il grogne, il fouaille, il couine, il retourne le mus noir, spongieux. Il trouve des horreurs et des merveilles. Ce cochon truffier ira loin. Donc ensuite pour créer le personnage, outre les rituels. Pardon, les ateliers que proposent les centres, donc par exemple les Corses, ôter les Corses, qui pourrait être un bon moyen d'entrer dans l'immersion de notre fiction, je te propose de déterminer aléatoirement le matériel et tes attaches. Je l'ai fait moi aléatoirement en t'attendant. J'ai un des neuf que je n'ai pas encore déterminé qui est sur une table, enfin une table visuelle que j'ai préparée et que je voulais déterminer quand tu serais là. Ça te va de le Oui. déterminer aléatoirement, vas-y. 14. Un tournevis. Ou aléatoirement, alternativement, pardon, ce pourrait être une pioche. Si ça te convient mieux. À mesure où il n'y aura que deux personnages et que j'ai moi un tournevis, ça évitera que ce soit redondant. 10. Une outre. Des clous. Ils peuvent être tordus, rouillés, utilisables, à toi de voir pourquoi ils te disent quelque chose ou tu les as conservés. 9. Un marteau ou un ciseau? Un ciseau, c'est le ciseau qui taille la pierre. Un ciseau qui taille la pierre ou ciseau à bois, je dirais. Une lime. Huit. Une pelle ou une plante de ton choix. Tu pourras la définir pendant la fiction. Hein. Une relique du temps jadis. Que tu pourras définir dans le feu de l'action. Tu en as combien? 7. 9. Un 9, alors. Un souvenir. Celui sur la table en image, la table d'image, mais l'ayant constitué, je sais vrai. Je suis pas allé voir parce que je vois à quoi correspond le résultat que j'ai obtenu au dé. Et donc tu as 6. Avant de débuter, nous avons connaissance d'une situation initiale, d'un rituel. Nous connaissons-nous? Je pense pas. Du coup, mon 6, il... Un gramophone. Le gramotruc. Tu peux également avoir, si tu le souhaites, ou ne pas l'avoir, et que ça puisse être une dynamique pour le personnage, la membrane qui permet l'enregistrement, ou le disque de cire qui permet de s'enregistrer. D'accord. Donc c'est l'enregistreur portatif du temps jadis d'autrefois. Donc nous avons défini une situation initiale, nous avons défini nos possessions, notre inventaire, et ce faisant, compte tenu des mécaniques de Sèvres, ce qui constitue l'emprise de nos personnages sur le monde, ou l'emprise du monde sur nos personnages. Il nous reste à définir si nous nous connaissons au moment où on débutera la fiction. Si c'est le cas, nous aurons le temps d'une allumette pour nous présenter l'un à l'autre. Sinon, nous pouvons considérer que ce qui va se dérouler se déroule en des lieux différents, c'est une possibilité, ou en un temps différent, et que peut-être le rituel que nous entreprenons, notre entrée dans l'immanence, va nous conduire à nous rejoindre quelque part. Quelle solution souhaites-tu retenir ? Je serais plus partant pour l'allumette. Donc nous nous connaissons. Nous sommes, puisque nous jouons à Sèvres, nous sommes des enfants. Des enfants ou des adolescents. Est-ce que tu as au travers des possessions de ton personnage, du rituel qu'il doit accomplir, est-ce que tu as déjà une idée Je réfléchis. Je ne sais pas si je... Véritablement, non. Je porte sur moi nombre d'instruments et j'entends parfois, sans, non pas mon gramophone, que j'utilise les voix d'un passé, encore ancien, c'est les souffrances que t'inflige le bois. Je suis Serge Claude. Je cours le bois, je fouille, je foie à la recherche de merveilles pour l'oncle Bernard Couchebâti. Je suis la peau et je suis les hommes, je suis la nouvelle manne et l'ancienne pourriture. C'est le temps des pluies. J'ai mon feu en main. On marche depuis longtemps, il fait chaud. Donc Bernard, il nous a dit qu'il fallait qu'on marche longtemps avant de trouver, hein. Mais moi, mes pieds, ils en peuvent plus, hein. Ils sont tout illuminés. Regarde ça. Oh. T'aurais pas quelque chose, toi, pour les pieds qui font mal? Parce que il a dit que c'était loin, très loin, et s'il faut encore marcher longtemps avec tout le harnissement qu'on a, hein, je garantis pas qu'on arrive avant la toute nuit, hein. Il pleut encore, ça veut dire qu'on a encore quelques heures de chaud. Quelques heures où on pourra deviner où se trouve la fente, le chemin. Ce n'est pas en restant là. Tu vas le voir, franchement. Tu m'aides à marcher alors? Les pieds illuminés, ça permettra de marcher d'autant plus. Comme un messie en quelque sorte. Tiens, prends le saut déjà, ça me soulèvera. Et pourquoi non? Parce que ça me fera ça de moins à porter, il est tout plein de l'eau qu'on pourra boire. Tu seras bien heureux de la trouver quand on s'arrêtera la nuit tombée pour préparer le frichti. Transporte les champignons du soir et l'eau. Je me souviens fort bien que... Bernard, épouse Bâti, il a dit que si on entendait les cris de ceux qui parlent pas, mais qui vivent dans les arbres, on serait pas loin du trou où il nous faut foyer. Ça, je m'en souviens. Mais je me rappelle aussi qu'il a dit qu'il y avait des... Noctoyenne, ces choses noires et luisantes qui se coulent dans la nuit. C'est quatre pattes, des griffes, bien pointues. Alors c'est pour ça, moi, j'ai ramené le piège à ours de Victor. Ton frère, il en a plus plusieurs maintenant qu'il est dans le trou. Mais dites aussi, je me souviens que les noctoyennes, elles s'intéressent qu'à la sarogne. Alors on n'est pas vraiment de la sarogne. Toi peut-être. Toi t'es de la sarogne? Bah non. Y a pas beaucoup de scarabées qui te courent dessus, hein. Mais toi, avec tes pieds illuminés et ta... Ah, il y a des puces qui sautent là. Mais ça compte pas, quoi. Tu les vois, tu les sens pas, ça te bouge pas. Parce que ça pique, ça mord. Ça bouffe les puces. C'est toi qui les bouffe fort, les Tu te souviens pas de ce qu'il a dit l'oncle avant qu'on parte en expédition? Non. Je suis sûr qui a dit que les noctotrucs, là, les hyènes de nocto, bah, elles bouffent les morts. Donc on peut marcher longtemps comme ça, et on peut marcher à mon rythme. Non. On marche plus vite. Ah, tu portes le saut, donc. C'est déjà fort. J'ai moins à porter. Et tout mon attirail, là. Dans ma vie de fière. Et j'ai les champignons pour le soir. Hein. J'ai choisi les plus tendres des pleurotes grises que nous avions dans la soupente. Juste bien coulante comme il faut. On va se régaler ce soir. Ça vaut pas la soupe, hein. La soupe qu'a servait la vieille. Tu te souviens de la soupe, comment elle était bonne? Avec des pois cassés et puis les pédoncules là. Les pétoncules écrasés, c'est bon ça, les pétoncules écrasés. Tu sais où on les trouve, les pétoncules écrasés, toi? Tu sais les trouver? Parce qu'on pourrait faire une soupe ce soir avec l'eau que j'ai recueillie dans la journée. Et que tu portes fort tranquillement, on doit le dire. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de la soupe? Tu te souviens de la recette de la vieille? Parce qu'on pourrait chercher sur la fente en écoutant encore les cris de ceux qui sont dans les arbres, on pourrait quand même chercher de quoi manger le soir parce que. Marcher le ventre vide ou marcher pour avoir faim, c'est pas gratifiant. Peut-être qu'il faudra... Non, les pédoncules, on doit bien pouvoir en trouver, des pédoncules, moi aussi. Oh, sans aller chercher de la pédoncule et des entêtants pédoncules. Qu'à simplement prendre un peu d'herbe, piler, ainsi que quelques fruits que nous allons mettre dans un bol et Tu crois que ce sera bon, les fruits qu'on trouve là sur le flot? C'est belle, hein, rose. C'est pas bon. Celle-ci. Pas celle-ci, touche pas. Mais. Ah, c'est pour retirer le truc pas bon qui est dessus, qui est amer. Tiens, donne-moi un peu d'eau. Pas ces belles âmes. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans notre soupe si on n'a pas de pédoncule, si on a que des baies toutes pas bonnes et amères? Il faut trouver des fraises. Des fraises? Ça pousse, ça doit avoir bien poussé. Ou dans la forêt. Faire sont les fraises. Des pommes. Ça, c'est une pomme. Qu'est-ce que tu racontes? C'est une pomme. C'est rond. Ça a un ventre comme le Bernard. Et ça a un corps comme toi, tout long, tout grand. Tu cherches vraiment à m'empoisonner, toi? Non. Les pommes, ça se mange. C'est pas une pomme. Arrête de jouer, les idiots. Et pourquoi tu me frappes d'abord? C'est rien fait, moi. Sers à trouver la soupe pour le soir. Parce que tu m'empoisonnes. T'as pas rien fait. Menteur. C'est pas un menteur, moi. Je suis sûr que tu connais la recette et que tu veux garder rien que pour toi de quoi faire la recette de... De quoi tu dis? J'ai peur comme Victor, toi. Allez, on marche. Arrête de poser tes questions. Je suis sûr, moi, que tu peux marcher. Et je l'arrache. Oh, marteau! C'est le marteau que Bernard il m'a donné! Tu me menaces pas avec, compris? Arrête de me taper, sinon moi je te tape avec mon marteau d'abord. T'as bien vu que je sais t'arrêter avec ton marteau. C'est pas une menace. T'es quand même méchant! Et donc là, j'ai le marteau, j'ai tout mon sang, donc mes pigments qui me disent que j'appartiens à la communauté avec les Bernards, j'ai la lentille que m'a donné la vieille. Si tu le fais. Et j'ai quelque chose de très secret qui est au tréfonds de ma gypsière. Si tu le fais, tu renverses toute l'eau. Ça veut dire 4. Ouais, mais ça n'arrête pas. Ça retire donc 3. 3. 10. Donc faut que je fasse 20. Comment le marteau, sur quoi le marteau atterrit, ou comment tu l'arrêtes aisément. Tu me renverses le seau sur la tête pour me bloquer. Je décale d'un pas rapide, faisant renverser un petit peu d'eau sur toi, mais approche pas, Serge Claude. Désolé, j'ai cru que tu voulais m'empoisonner, c'était... J'ai compris, c'était pas ton but. T'en fais pas, c'est bon. M'approche plus. Je te ferai plus de mal, c'est... Les grands, bien trouve pareil. Toujours à vous s'imposer, les pauvres petits, en prennent... sur la calebasse et ils ont rien à dire et si il fait ça et tout se trouve. En plus moi c'est gentil, je me préoccupe de ce qu'on va manger à la nuit. Hein? Moi aussi je suis gentil. C'est qui prend ton solo? Pour m'en mettre sur la tête, quoi. C'est pas moi qui t'ai frappé. C'est pas toi qui m'a frappé. Ah, elle est bonne celle-là, hein. Tu te souviens pas de celle-là, hein? C'est pas toi qui m'as donné une grande calotte sur la tête, hein? Non. Alors dis-moi ce que t'as fait avant que... Hein? Qu'est-ce que t'as fait si tu m'as pas donné une calotte sur la tête? Je t'ai retiré une arme, une première fois l'arme avec laquelle tu voulais me frapper. Non, là, qu'est-ce que t'as fait là? Hein? Qu'est-ce que t'as fait là? Hein? Arrête, tu vas te blesser. C'est encore me servir d'un marteau, moi. On dirait pas. Mais tu veux que je le retire une deuxième fois? Je laisse mon pied pour lui faire croire que je le déséquilibrerai. Et au dernier moment, je lui arrache. Au dernier moment. Alors, qu'est-ce que t'as fait avec ta main, hein? Hein? Sur ma tête? J'ai rien fait. Attention, tu vas faire tomber le fond. Avec l'eau, hein? Et puis le précieux dramatique, là, va finir par le casser, là, t'as vu tout comme ça. Hein? C'est pas une bonne sauce, ça, hein? Non, mais... C'est grand, il se croit tout permis d'abord. C'est toi qui crois tout permis, à me menacer avec ton marteau. On doit tout de même trouver le trou, trouver où le sang s'arrête. Au pied de l'arbre, il y a le trou où on doit foyer pour le compte de Bernard. Ça, tu t'en souviens tout de même? Oui. C'est là où tu dois recueillir la preuve avec ton gramotruc. Je peux rien recueillir dessus. il n'y a plus de place. Mais ça, je vous le dis depuis des siècles, et personne ne m'écoute. C'est pas à moi qu'il faut le dire. Moi, je sais que la cheville ouvrière qui foie la terre, le nuf noir. La cheville ouvrière n'a pas la même définition de travailleur. Qui c'est qui va chercher les sans pipi qui va récolter l'eau sous les arbres où on se récolte plein d'eau de saleté? Cela dit, t'es plus, t'as dû la récolter quelque part. Hein. Qui le récolte de mauvaise grâce, qui ne fait pas un effort. T'as oublié le c'est même pas un grand. C'est même pas les phrases. Pardon. Bon, d'accord, t'es plus grand que moi. T'as une pioche, t'es qu'un marteau. Il m'a volé mon marteau. T'es qu'un voleur d'abord. Non, j'en ai marre de me faire menacer par un gamin. Je bouge. Je dirai à Bernard d'abord que tu m'as volé mon marteau. Je lui dirai, hein. Et il sera pas content, hein. Tu vas te faire gronder. Il t'en cuira sur les fesses. Parce qu'il sera pas content, hein, si on revient sans le son, sans qu'on ait capturé ce qu'il veut, hein. Rends-moi mon marteau, sinon je dis à Bernard. Et quoi? Rends-moi mon marteau, s'il te plaît, sinon je dis à Bernard. Y'a pas de sinon. Y'a pas de sinon, s'il te plaît. Rends-moi mon marteau, s'il te plaît. Sinon je dirai à Bernard. Merci. Toi? Il mérite ça vraiment, jusqu'à mon tout seul, il n'y en a pas. Ah, tu seras connu pour moi. Bah, c'est ça. Dis-moi où ils sont, ceux qui sentent la chanson bizarre. Parce que moi, je les entends. Mais toi, tu te souviens même pas de la soupe qu'on a mangée à la lune précédente. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il y avait dans la recette de la vieille? Où est-ce qu'on trouve les pédoncules? Les pédoncules, on les trouve dans les jardins. Bien plantés, comme celui de sa... Elle est trouvée dans le bois, elle, les pédoncules. Elle est passée par le bois pour arriver dans son champ. Mais il n'y a pas de sang par ici. Qui te dit qu'elle en a pas caché? Qui te dit que c'est pas un champ souterrain? Alors il faut qu'on trouve ce sang souterrain. C'est pas l'objectif. Bah, je croyais qu'on rentrait pas d'abord. Oui, mais c'est faudrait pas... t'entendre avec toi-même, hein. C'est pas l'objectif principal pour le moment. Pour le moment, on doit chercher des fraises, des fruits de saison. Et on va faire une petite. Mais c'est pas la recette, ça, avec les fraises. Je connais bien mes recettes à moi. Et mes recettes à moi, elles sont pas empoisonnées. La soupe à la fraise. Jamais entendu causer de ça, moi, de la soupe à la fraise. Je sais pas parce que. Est-ce que c'est parce que tu as entendu causer du grabouin que tu. Est-ce que. Non. Que. J'ai pas entendu causer du grabouin, mais j'ai entendu causer des noctoyennes. Et si on continue à discuter comme ça, comme des vieilles filles, et ben on va finir à nuit tombée, sans rien à manger, et on n'aura pas trouvé les pédoncules. Cher, les fraises. des fraises si tu veux, mais on les trouvera pas ici. On trouve les dons. Ça pousse où les fraises? Sur le bord de la fonte. Mais sur le bord de la fonte, il y a tous les renards qui vont faire pipi. Alors on va avoir des fruits pleins de pipi. Mais on les passera dans l'eau. Ah, ça va salir le feu. Non, dans le... dans l'eau d'un lac. Ah, parce qu'il y a un lac par ici. Oui, très sûrement. Ah, il y a des fourrières, il y a de la boue partout. Dans les plein les fonds, c'est plein les pieds illuminés, mais... peut-être que ça va faire un catapasme pour les pieds illuminés. C'était peut-être ça la recette de la vieille pour les pieds illuminés. Les mettre dans la boue. Tu retires pas ta chaussure, tu pourrais t'attraper de drôle de saleté et autre. D'autres choses. Alors comment je vais faire pour mes pieds illuminés? Pour le moment, tu me rends ton mal en patience. Mais comment je peux le mettre en patience? J'ai pas de patience, moi. J'ai juste une zipsière et un seau. Que ce rappel, tu dois porter. Et je l'ai dans les mains. Allez, on avance. On trouvera peut-être des fraises. Que les dents me tombent en poule et qu'elles poussent au renard ou l'inverse. C'est l'inverse. Parce que les poules n'ont pas de dents. Ça sent bizarre par ici. Tu trouves pas? Non. Marchons un moment. Le temps s'écoule. Trouve-t-on des fraises? Quelques-unes. On va rejoindre des champignons dans la besace. On pourra mettre les champignons, tiens. Si on n'a pas assez de fraises. Et c'est bon les fraises dans la soupe? Ah, ça devait être ça l'ingrédient secret de la vieille. Peut-être, je sais pas, de toute manière, on testera bien. Et tu te souviens pas de ce qu'il avait dit le Bernard à propos des créatures noires qui se trouvent dans le bois? Un bouffe le charogne, c'est sûr. Oui, le petit monsieur. Des petits enfants. Alors, elles peuvent nous bouffer lui aussi. Mais c'est parti. Mais t'es un enfant quand même. Non. Ben alors, t'es quoi si t'es pas un enfant? Mais que t'es pas petit et que t'es grand? Ben t'es un grand. Ben les grands, ils vont pas fouiller la boue pour aller chercher les trucs furtifs pour les oncles. Je suis un grand. Peut-être encore un petit. T'es sûr de toi que t'es un grand? Oui. T'as du poil partout? Bah non, t'as pas du poil comme les autres. Ah, si, regarde. Non, mais c'est pas là. Ah, j'en ai des poils. Bah, pas beaucoup, hein. Comment ça, pas beaucoup? Bah non, on peut même pas tirer dessus. Là. Là? Ben, j'arrive pas à l'attraper, hein. C'est parce que t'es pas doué. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est bon pour un grand. Oui. Moi, je dis que c'est pas un grand. Je dis, et tu approuves, Je suis un grand. Non, tu ne l'avais pas dans les mains. Voilà. Tu vois ce que c'est de s'attaquer aux petits, hein? Les petits, ils ont peut-être pas les muscles, mais ils ont de la ruse dans la cabosse. Et ils ont le marteau. Un marteau. Ça marche. Marteau, pioche. C'est mieux de la venir pas. Écoute. On a pour lutter contre la chose noire qui s'approche. La pioche, la lime, le marteau. Et en quoi la lime va nous aider ? On entend ces bruits de déglutition. La relique du temps jadis. La plante de l'Edelweiss qui le... Un plan d'Edelweiss, c'est la plante de l'espoir. Elle est en nous face à cette bête. Elle pousse en nous, l'espoir pousse en nous. On ne peut pas retenir que le marteau et la pioche, c'est soit l'un. Et le Mother exclut la pioche. Pourquoi tu dis une Mauser? Mauser. Qu'est-ce que c'est le Mauser? Bah, c'est ce que tu disais, non? J'ai dit Mosin Nagant. Ok, bah alors Mosin Nagant. Donc, si tu l'as en main, t'as pas la pioche. T'es d'accord? Tu peux avoir une pioche. Et toi, une pioche et le marteau, et puis moi, j'ai déjà du mal à manipuler le marteau, tu me l'as prouvé. Bah, dès demain. Puis, Alors, on a ton fusil, c'est ça? C'est un fusil ou un pistolet? C'est un fusil. C'est un fusil. Donc tu as ton fusil, et si tu as ton fusil en main, t'as pas ta pioche. Ou alors tu considères que ta pioche, c'est une ressource de plus qui te donne l'ascendant, c'est ça? Après, il y a aussi, sinon je peux dire que c'est pas un fusil, mais la version pistolet Mosin Nagant. C'est toi qui... C'est un pistolet. C'est un pistolet, d'accord. Donc t'as un pistolet, ta pioche, j'ai mon marteau, ça fait trois attaches. Avec l'Edelweiss, 4. 4. 4, ça nous donne... Ça, il faut qu'on fasse combien? Ah, il faut qu'on totalise 10 pour... plus on totalise, c'est... Donc, là, on a très peu de chance. Moi, j'ai perdu plein de trucs tout à l'heure. Je les ai perdus dans la boue, en m'étalant dans la boue. Tout ce qui était porte-bonheur, etc. Il reste mon objet secret que tu ne connais pas, qui est au fond de ma besace et qui n'a pas chu avec moi dans la boue. Donc, cet élément, il intervient, donc on est à 5. J'ai mon... C'est le seul élément qui me permet, moi, de dissiper ma peur. J'ai les pigments qui vont dans le même sens, donc ça fait 6. J'ai mon jeu de clous, qui est en fait un système de clous qui sont tous attachés à un large bout de bois et qui est un porte-bonheur que je porte autour du cou. Alors ça fait 7, ok. Là, on a une pénalité de 3 encore. J'ai un... La forêt nous aide car j'ai toujours mon piège à ours que j'ai trouvé peu avant. Et le piège à ours, c'est notre pacte, notre alliance avec le bois. J'ai comment ? 2, 8. J'ai... Un souvenir qui est les souvenirs du courage des frères d'antan. Du clan Kouchbati? Non, bien, bien au-delà. Dans ceux qui, disait-on, étaient les fiers naufrageurs de la Neva. Ok, 9. Et je me bats aussi pour garder ce gramophone, le garder intact face à cette nature omniprésente, omnipotente. Donc on a 0 pénalité, ok. Faut qu'on fasse en bien. 15 ou plus. Il n'y a plus rien en stock pour toi? Non. Moi, j'ai le seau qui pourrait être un élément. Le seau que tu avais, parce que c'est là que l'on récolte l'eau de ruissellement sur les feuilles. Une eau pure, non souillée, celle de la vie. Celle qui signifie qu'on ne sera pas... enseveli dans l'oubli ou asservi par l'emprise. Donc on a un plus 1. Donc 14 ou plus. On a gagné, hein, c'est ça. Avec ce 2, on va pouvoir... Alors, 2 moins 14, ça veut dire qu'on a 13 éléments qui sont affectés. Ça veut dire que... Moi, j'ai moins de 13 éléments. Moi aussi, j'ai moins de 13 éléments. Et on peut se les répartir. T'as combien d'éléments ? Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. On a 14 éléments. Waouh ! 9. Donc il en reste 9 à absorber pour toi. Bah du coup j'absorbe tout et je meurs. Voilà, c'est... Non, toi t'en as que 9, c'est ça aussi ? Oui, j'en ai que 9. Ouais, bah donc on va... Là ça signifie que les noctoyennes que j'ai évoquées et toi tu as... Je ne l'ai pas précisé, mais là, nous sommes en esprit fouine. Moi, j'accomplissais un rituel en évoquant ce que nous avait dit Bernard. Tu l'as réinterprété. Ça lui a donné une valeur. Et maintenant, je suis convaincu que, effectivement, les noctoyennes... mange les enfants. Et je disparais dans la pénombre du buisson qui tressaute sous les assauts de la hyène. Je disparais définitivement. Toi, tu as l'occasion... d'échapper puisque j'ai un élément qui est avec toi, donc que je n'ai pas compté, que je t'ai confié, qui te protège. Et toi, crois-tu aux souvenirs que j'ai développés ? L'histoire des hyènes. Alors ces hyènes ont quatre pattes, sont efflanquées, maigres, noires comme la nuit. Elles ont le corps luisant et avançant en tressaillant, elles ont une tête pointue et tubulaire d'où échappe, d'où darde un bec au sein duquel émerge une langue avide et fouisseuse qui attrape, saisit sa proie et... Oui, je crois bien. La voix en faisant frémir sa corolle autour de la tête. Oui, j'y crois effectivement. Donc tu en vois une qui est en train de boire avidement ma sève. J'essaie de... Et tu tires sur elle. Le coup part, à toi de raconter la suite. Et il se fiche dans un arbre, dans la sève elle aussi. Se répand. Dans un macabre bruit et dans une macabre fumée, tandis que la bête a lâché déjà... Serge Claude pour se ruer sur moi comme attiré par le bruit des balles et le bruit des combats. C'était peut-être elle. Le fier naufrageur de la Neva. Alors je propose que... Tu révèles ton rituel. Moi, j'ai évoqué le mien. Moi, c'était un faux souvenir. C'était gifle. je devais gifler quelqu'un parce que je me sentais trahi ou que je sentais qu'on me trompait alors que c'était faux et que plus tard j'avouais que c'était pas faux. Donc là, en l'occurrence, le fait que tu m'as empoisonné, c'est pas ça. Enfin, Donc tu avais un souvenir bienfaisant pour toi, tu avais accompli ton rituel. Donc, logiquement, tu avais un nouveau souvenir que tu aurais dû ranger dans ton inventaire, qui pouvait affirmer ton personnage. Et il aurait pu, de sa balle, faire éclater la tête immonde de... Je trouve ça pas forcément hyper intéressant de tuer la bête, et je préférais au contraire pas forcément qu'on s'en sorte. Et je sais pas, du coup, si... j'imagine qu'on enchaîne sur le débriefing. Je sais pas, du coup, si toi, t'as tildé quelle était la référence des naufrageurs de la Neva. Vas-y. C'est les soldats révolutionnaires de... d'octobre 17, mais ceux de la base de Kronstadt, qui faisaient souvent des raids sur la ville de... Petrograd, à bord de l'Aurore. Donc, ça effrayait tout le monde. Enfin, il y en avait plein, surtout du côté menchevique, surtout, et anti-révolutionnaire. Ça effrayait tout le monde. Et du coup, j'ai considéré que d'un côté, on pouvait les voir comme les héros de 1921 qui luttaient contre le stalinisme, qui ont fait leur dernier barreau d'honneur. Et là, oh, je saisis l'occasion, parce que justement, il y a une ambivalence. On peut à la fois les voir comme des monstres et des gens bien. Et ça pouvait être aussi celui qui vient en Petrograd et qui fout le bordel et qui massacre, pille et tue sans vergogne, comme on les a souvent représentés. Donc je trouvais que ce souvenir un peu héroïque que j'avais, je trouvais ça intéressant de... le retourner et de moi en fait me faire trahir par entre guillemets par mon propre souvenir. D'accord. Est-ce que tu as apprécié la fiction? Est-ce que tu t'es senti en mesure de la développer? Oui. Est-ce que les mécaniques étaient là pour cela? Quelles ont été celles sur lesquelles tu t'es appuyé pour développer ton personnage? Je me suis appuyé surtout sur mon souvenir, du coup, mon gramophone que j'avais déjà en fait. En fait, mon gramophone, il était rempli justement, et j'avais accès à mon personnage, c'était... Le gramophone, lui, il était rempli de sons, et c'était les sons du temps jadis, les sons justement des... Ça rejoignait le souvenir des soldats de Kronstadt, qui massacrait et pillait Petrograd. Il y en avait... c'est les bruits qui avaient été... Alors, ce que tu me dis là, ça me... pour moi, je le ressens comme... un décalage. Parce que tu as imaginé plein de choses, mais tu ne les as pas dites. Rien ne t'interdisait de parler, d'évoquer tes souvenirs. Moi, j'ai choisi à certains moments de dire que j'avais quelque chose de secret sans le dire, mais de dire qu'il était présent. Tu vois, c'est... Si tu le gardes pour toi, ça veut dire que tu ne partages pas à la table. Alors, tu as pris le temps de l'élaborer, toi, tu l'as vécu. Mais en même temps, moi, je ne l'ai pas eu en partage et je n'ai pas pu construire dessus. Ce n'est pas un reproche. Oh, c'est pas bien. C'est pour se dire qu'une autre fois, ce genre d'éléments, on a l'outil de l'égrégore. Moi, j'avais lancé des perches sur le son en disant que on devait se guider aux sonorités du bois pour trouver le lieu que nous cherchions. Donc, tu aurais pu, quand je t'ai posé des questions sur le gramotruc, quand je t'ai interrogé dessus, toi, prendre le devant de la scène. Et Ce que je regrette personnellement, c'est que tu sois peu intervenu. Et donc j'avais aussi construit un truc par rapport à ça. C'est qu'en fait, j'avais plein de matos qui pouvaient être... surtout à ça que j'ai réfléchi. Donc la relique du temps jadis, c'est un Mosin-Nagant, c'est à peu près le type d'arme qui avait cours en Russie de la Première Guerre mondiale jusqu'en 1942. Donc, c'est... Et en dehors de ça, tout le reste, c'était des choses qui... En dehors de l'Edelweiss, mais ça, c'est l'un des seuls trucs que j'ai expliqué finalement, avec les clous. En fait, tout avait rapport au travail. Et donc rentrer en résonance avec aussi le mythe du prolétariat et de la classe ouvrière. Alors tout ça, c'est bien dommage parce que tu l'as pas fait partager. Alors moi, j'avais que des choses très, très, très simples au regard. Je m'étais juste imaginé qu'il... j'étais parti de notre situation initiale. On allait chercher quelque chose de merveilleux pour le compte de notre oncle, qu'on n'appréciait pas nécessairement. Moi, j'avais un trésor au tréfonds de ma musette qui me donnait le courage de progresser dans le bois, mais j'étais terrorisé par le bois. Je pense que je l'ai un petit peu manifesté dans la façon ambiguë dont mon personnage se comportait à l'égard du tien. Donc moi, c'est l'objet que j'avais dans la table visuelle, c'est les cœurs secs. J'avais les cœurs secs issus d'un affrontement, ce qui fait que quand j'avais peur, et je l'ai joué, après avoir eu peur, j'étais à nouveau agressif, parce que ça me faisait penser à ce à quoi étaient les cœurs secs. On avait convenu que nous pouvions convoquer des histoires antérieures. Donc les cœurs secs, c'est un duel, c'est le souvenir d'un duel qui a emporté le frère de Nikolai, un duel au pistolet. Et donc moi, c'était toute la hargne d'un homme envers un autre, fut-il. Et c'est ce qui m'a donné la volonté de donner un coup de marteau, par exemple. Le coup du marteau face au prolétaire. Donc... pour ma part, même si je ne l'ai pas expliqué, je n'ai pas recouru à l'esprit Fouine, j'ai utilisé le petit ressort d'objet que j'avais pour construire le personnage. Non, il y en a déjà. Pour construire le personnage et ses interactions avec l'environnement. Alors, c'est un peu... Je dirais qu'en conclusion, globalement, tu me disais que ça t'avait plu la fiction. Mais on aurait pu donner quelque chose de beaucoup plus puissant si on avait vraiment échangé sur les souvenirs qu'on avait développés. Et en fait, tout ce qu'on évoque, si on se prépare avant, si on réfléchit... à ce que peuvent représenter les éléments que l'on détermine aléatoirement, ce qu'ils peuvent représenter pour l'enfant, il faut que ça ait une signification dans la fiction, sinon c'est l'être morte. Oui, et justement, en fait, donc je repense, il me semble que tu m'avais coupé quand j'avais... En fait, donc c'est les bruits des pillages, et si je voulais pas l'écouter, c'est que j'étais convaincu que c'était des héros, et que fallait pas que j'entende le bruit. Et d'une certaine manière, celui-là aussi a été altéré, puisque c'est, en fait, le bruit des massacres, c'était le bruit, si on le retranspose dans la fiction, de la bête qui était en train de sucer la sève de Serge Claude. Alors, ça, c'est super beau, mais ça n'a pas été joué, tu vois. C'est juste dommage. Je sais pas si tu en es d'accord. Donc on peut se dire la prochaine fois qu'on se consacre peut-être plus de temps à... qu'on se réserve le droit de ralentir le rythme pour pouvoir développer l'un et l'autre les attaches qui sont les nôtres. Donc, en dehors de ça, le compte-rendu est fait.